Mugize ibimenyetso bya AVC hamagara kuri 65 56 ubusa 3. Abaganga b'ibitaro Lana Neurological Clinic babatore banabibafashemo. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Des tenanciers des débits de boissons Braroudi en zone Guiza, mairie de Bujumbura, se plaignent que les quantités de bière leur destinées sont détournées. Pendant ce temps, en commune Bururi, l'administrateur a décidé de suspendre 8 personnes de cette activité. Réagissant à l'injonction du chef de l'État au ministre du Commerce de réguler les prix sur le marché, un expert en gestion des politiques économiques fait remarquer que les prix suivent la loi de l'offre et de la demande et que donc le gouvernement devrait écouter les conseils des experts. Un homme récemment arrêté pour viol sur sa bonne de moins de 18 ans écope de 15 ans de prison ferme et une indemnisation de 500 000 francs burundais à la victime du viol. La sentence a été prononcée ce lundi par le tribunal de grande instance de Lomongue. C'était à l'issue d'un procès de flagrance à huis clos. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité comme la pomme de terre, le haricot et le petit pois ont chuté après les fêtes de fin d'année au marché dit Kotebou. Les vendeurs et acheteurs se réjouissent de cette situation. Malgré cela, le prix du régime de bananes et l'huile de palme et de coton reste en hausse. Pour trouver une solution à ce problème, les consommateurs demandent au gouvernement de rendre disponible le carburant en quantité suffisante pour faciliter la tâche aux transporteurs. Jean-Marie Vianney, Ngendakoumana. Les commerçants de ce marché Kotebou se trouvant au nord de la ville de Bujumbura indiquent que la baisse des prix des produits alimentaires de première nécessité s'observe après les fêtes de fin d'année. Exemple, le prix du petit pois qui s'achetait entre 17 000 et 20 000 s'achète actuellement à 5 000 francs bou. Un kilo de haricots type jaune coûte 5 500 francs bou au lieu de 7 000 francs bou. Un kilo de pommes de terre s'achète 2 000 francs bou alors qu'avant était à 3 000 francs bou. Une des vendeurs de ces les alimentaires témoignent que les acheteurs viennent s'approvisionner en grande quantité depuis la chute de ces produits alimentaires. Un des consommateurs rencontrés dans ce marché Kotebou se réjouit de cette situation de la baisse des denrées alimentaires. Maintenant ça va mieux, nous sommes contents par rapport car les pommes de terre qui sont vendues 3 000 francs le kilo s'achètent entre 1 800 francs et 2 000 francs. Cette baisse est bénéfique pour nous car avant on achetait 5 kilos mais aujourd'hui nous pouvons prendre plus grâce à cette baisse. Malgré cela, le prix d'un kilo de banane est passé de 1 000 francs bou à 2 500 francs bou. Une femme vendeuse de banane se lamente que les clients viennent à compte-gouttes suite à cette hausse. Les clients sont mécontents à cause des prix de bananes qui sont extrêmement très élevés. Avant la pénurie du carburant, un kilogramme de la banane s'achetait entre 1 200 et 800 francs. Donc certains clients n'achètent pas parce que ce produit nécessite une grande quantité qu'il s'agit de nourrir un ménage. Que ce soit les consommateurs, que ce soit les commerçants, tous demandent au gouvernement de trouver solution au problème de pénurie du carburant qui serait à cause de la hausse des prix. Même si les prix de certains produits alimentaires revient à la baisse, le prix d'un litre et demi d'huile de palme est passé de 8 000 à 10 000 francs bou, tandis que celui d'huile de coco coûte actuellement 22 000, alors qu'auparavant il s'achetait à 17 000 francs bou. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Gronche, les tenanciers de débits de boissons Braroudi en zone Guiza dans la mairie de Bujumbura. Ils disent qu'ils ne sont pas servis convenablement et que certains produits réservés à cette zone sont souvent détournés et transportés par des véhicules vers un endroit inconnu. Amos Chimirimana, chef du quartier 3 dans cette zone, confirme ces faits et jette le tort au délégué Braroudi en charge de la répartition des approvisionnements. Omer Douayo. dusanga ahubwo bariko baranazipakira amatagisi n'izindi modoka baza kuzitora barwiko n'abaderege baba baturongoye. Les grands chez ces commerçants sont fondés sur le fait qu'ils ne sont pas approvisionnés alors qu'ils sont au courant de la disponibilité de ces produits. Dans leur zone, les détenteurs des bistrots se fâchent contre les délégués en charge de la distribution. Notre zone reçoit ces produits, mais la distribution nous échappe. Par exemple, avant-hier, un grand camion a amené beaucoup de boissons. Aujourd'hui, le stock est vide, alors que nous n'avons pas été tous servis. Seuls les bistrots VIP ont été approvisionnés et les boissons restantes ont été transportées à bord des véhicules vers d'autres endroits. Ces boissons sont prises par des gens envoyés par le délégué chargé de la distribution en accord avec le chef du méga SST. Un avis partagé avec leurs employés qui témoignent que ces produits sont acheminés à bord des véhicules vers d'autres localités. Ils disent qu'ils servent les bistrots VIP. Lorsque nous leur demandons pourquoi ils ne nous approvisionnent pas en ces produits, alors que la quantité envoyée par la Bras-Rudy est suffisante, ils s'en foutent de nous. C'est l'Omega SST qui nous amène ces produits au cabaret. Mais ces derniers jours, nous ne sommes pas servis. Nous les voyons acheminés vers d'autres localités. Une situation qui inquiète aussi l'administration, qui se retrouve dans l'incapacité de connaître qui demandait la lumière. Amos Shimirimana, chef du quartier 3 de la zone Bouiza, trouve que la solution n'est autre qu'augmenter la production de la Bras-Rudy. Peu de cabarets qualifiés de VIP sont servis. Ils peuvent donner à certains cabarets 30 casiers, mais ce serait bon s'ils procèdent à une distribution équitable. Nous ne savons pas pourquoi on ne serve pas tous les cabarets. Même les délégués chargés de la distribution se réservent de tout commentaire. Un feu vert a été donné par la Bras-Rudy pour que les détenteurs des cabarets puissent s'approvisionner dans tous les quartiers où ces produits sont disponibles. Mais c'est difficile que tout le monde le comprenne ainsi, du fait qu'ils ne reçoivent pas ces produits facilement. Contacté à ce sujet, Roland Fernand Kwizera, le délégué chargé de la distribution de ces produits dans la zone Bouiza, se réserve de tout commentaire. Omer Ndouaï, le prix du sac de charbon a augmenté depuis 2 mois, passant de 100 000 à 120 000 francs dans la zone Moussaga, en mairie de Bujumbura. Comme l'a constaté notre reporter qui souligne que même le petit panier qui coûtait 500 s'achète aujourd'hui à 1000 francs. Les vendeurs et les consommateurs qu'il a rencontrés expliquent que cela est dû au manque de carburant pour les camions de transport. Et tous demandent à l'État de tout faire pour disponibiliser le carburant afin d'éviter la hausse des prix. Jean-Marie Mayonga. Grogne de certains commerçants sur la hausse des prix du charbon dans la zone Moussaga, mairie de Bujumbura. Les vendeurs du charbon rencontrés dans cette zone disent que le prix du charbon a connu une hausse il y a 2 mois. Ils expliquent qu'un sac qui était à 100 000 francs burundais aujourd'hui s'achète à 120 000 francs burundais et le prix varie selon le contenu d'un sac de ce charbon. Un petit panier qui s'achetait à 500 francs burundais, aujourd'hui s'achète entre 1000 francs et 1500 francs. Le charbon n'est pas disponible dans ces jours parce que les camions de transport n'ont pas de carburant. Si ces camions parviennent à transporter ce charbon, ils arrivent à Bujumbura et le coût de ce charbon devient trop cher. Les consommateurs de ce charbon se lamentent disant que le charbon de 1000 francs qu'ils achetaient il y a quelques mois, aujourd'hui, cette quantité ne suffit pas pour préparer le repas dans leur famille. Ils signalent qu'ils achètent du charbon de 2000 jusqu'à 4000 francs. Le charbon de 500 francs, c'était suffisant avant pour cuire les haricots. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je peux utiliser le charbon de 4000 francs alors qu'avant, j'utilisais le charbon de 2000 francs ou 1500 francs par jour. Un sac coûtait entre 60 et 70 000 francs burundais. Mais aujourd'hui, ça coûte entre 100 000 et 120 000 francs burundais. Ça dépend de la grandeur du sac. Que ce soit les consommateurs ou vendeurs du charbon, tous demandent au gouvernement de tout faire pour disponibiliser du carburant, surtout de type mazout, afin que les camions de transport de cette marchandise arrivent à Bujumbura sans problème. Nous demandons à l'État de faire le tout possible pour que les problèmes liés à la pénurie du carburant soient résolus, pour que la hausse répétitive des prix des produits, y compris le charbon, soit diminuée. Dans différentes places où se vendent du charbon, dans cette zone de Musaga, nous avons constaté que les places sont presque vides car il n'y avait pas d'état de sacs de charbon à vendre. Et réagissant à l'injonction du chef de l'État au ministre du Commerce de réguler les prix sur le marché, l'expert en gestion des politiques économiques Serge Nhiram Hebura fait remarquer que les prix sur le marché ne vont cesser d'augmenter, d'autant plus que les produits vendus ne sont pas distribués en quantité suffisante. C'est la loi de l'offre et de la demande, rappelle-t-il, soulignant que les opérateurs au Burundi ne font pas de profits exorbitants, sauf ceux qui font des affaires avec le gouvernement, qui à son tour paye des produits surfacturés pour leurs propres intérêts. Et dans ce cas, il trouve que le gouvernement ne peut pas imposer des prix au privé, d'où il doit écouter la voix des experts pour trouver des solutions. On l'écoute. Les commerçants ou les opérateurs économiques au Burundi ne font pas de profits exorbitants. La preuve, c'est qu'il y en a qui abandonnent l'activité économique et vont travailler dans d'autres pays. Et donc, c'est une preuve qu'ils ne sont pas en train de faire des profits exorbitants. Si on devrait chercher qui font des profits exorbitants au Burundi, c'est pas des opérateurs économiques. S'il y en a, ce sont des opérateurs économiques qui font des affaires avec le gouvernement. Seul le gouvernement paye des factures surfacturées et le surplus est partagé entre l'opérateur économique et l'administration. Donc, les prix exorbitants existent seulement dans le commerce que le gouvernement du Burundi fait avec les opérateurs économiques. Donc, c'est de ce côté qu'il faut vraiment aller maîtriser les prix. Troisièmement, c'est comment le Burundi est organisé. C'est le capitalisme, c'est pas le socialisme. Donc, les gens ont le droit d'avoir une propriété privée. Les avoirs des individus, ce sont des avoirs privés. Donc, il n'est pas possible d'aller donner de l'ordre à quelqu'un d'échanger sa vache, ses biens à un prix quelconque. Même les gens de l'administration qui ont des biens privés ne font pas à un prix fixé par le gouvernement. Donc finalement, vous allez voir que ce n'est pas l'administration qui dicte le marché, mais le marché a une main invisible qui détermine les prix. Quand la demande est très élevée et que l'offre est petite, les prix vont augmenter. Comment alors augmenter l'offre? Et comment diminuer la demande? C'est de cette façon qu'on peut analyser et voir comment finalement maîtriser les prix. Mais sinon, dites-moi quels sont les prix que le gouvernement a fixés qui ont été respectés. Il n'y en a pas. Pas sur le sucre, pas sur le transport, pas sur les prix Brarudi. Donc, si ça n'a pas été possible dans le passé, ça ne sera pas possible dans le futur. Donc, il y aura toujours un marché parallèle. Chaque fois que l'État devra fixer un prix qui est inférieur au prix du marché. Ce que on peut recommander, c'est que le chef de l'État écoute ses ministres. Je pense que c'est leur rôle d'expliquer au chef de l'État comment le marché fonctionne et c'est au chef de l'État alors de suivre et d'essayer pour que le gouvernement ait un seul message. Et cet expert vient d'évoquer les produits Brarudi en commune de Bururi. 8 tenanciers de débit de boissons Brarudi ont été rayés de la liste de ceux qui font ce commerce. L'administrateur de la commune de Bururi, Félix Niongawa, les accuse d'avoir caché des boissons pendant les fêtes de fin d'année à Bururi, où s'observait une pénurie de ces dernières et devront également payer une amende variant entre 200 et 500 000 francs burundais. Ces commerçants avancent des motifs différents et demandent à la commune de Bururi de lever ces sanctions. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'éducation et de l'enseignement demande au gouvernement de résoudre le problème de manque de guide du maître pour les classes de 5e fondamentale. C'est au moment où l'on rapporte le manque de ces manuels dans certaines circonscriptions, notamment dans la province de Bururi, alors que le deuxième trimestre a débuté ce lundi. Antoine Manouma, président de cette fédération, suggère aussi l'organisation des séances de renforcement des capacités aux élèves ayant appris sans les livres d'élèves pour le premier trimestre. Suivez. Les classes de 5e année de l'école fondamentale viennent d'être approvisionnées en livres de l'élève du premier trimestre au début du deuxième trimestre. Cela signifie que les enseignements bénéficiés par les apprenants de ces classes accusent des lacunes énormes, notamment dans le domaine de l'art, car chaque enseignant essaie de se débrouiller pour avoir la matière à dispenser. Les textes supports à exploiter se retrouvent dans les livres de l'élève. La nécessité d'organiser les séances de renforcement des acquis se fait sentir avant de débuter les enseignements du deuxième trimestre. Les enseignants de 5e année de certaines provinces scolaires comme Bururi commencent à exprimer leurs inquiétudes concernant le retard des fichiers du maître du deuxième trimestre. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, demande avec insistance que les irrégularités observées au premier trimestre ne seraient pas au deuxième trimestre. Sinon, il s'agirait d'ajouter le drame au drame. Les réformes de l'enseignement vont atteindre les classes de 6e année fondamentale au cours de l'année scolaire prochaine. La FENASEB demande que ces réformes soient préparées en conséquence pour éviter les irrégularités qui ont touché la 5e année. La formation des enseignants et l'impression des manuels devaient être préparées et exécutées à temps. Il s'avère nécessaire que la régie des productions pédagogiques et imprimerie nationale soit dotée de moyens suffisants pour contourner l'impression des manuels scolaires à l'étranger qui exige beaucoup de temps dans la passation des marchés et le transport. 15 ans de prison ferme et une indemnisation de 500 000 francs burundais en faveur de la victime de viol. Telle est la peine infligée le soir de ce lundi par le tribunal de grande instance de Rumonge à un homme récemment arrêté pour viol sur sa bonne de moins de 18 ans. L'accusé s'est rendu coupable de viol dans un procès de flagrance à huis clos qui avait été reporté vendredi dernier au niveau du bureau provincial du développement familial et social à Rumonge. L'on informe ne pas être satisfait de ce jugement rendu. Jean-Pierre Misako. Après le report de l'audience de ce vendredi, l'avocat de la défense exigeant le temps pour consulter le dossier de son client, cette audience a finalement eu lieu à huis clos l'après-midi de ce lundi, comme décidé vendredi dernier, car il y avait parmi les justiciables une mineure de moins de 18 ans. Après délibération, le tribunal de grande instance de Rumonge, en vertu de l'article 579 de la loi numéro 1/27 du 29 décembre 2017, portant révision du code pénal, selon lequel le viol est puni de 15 à 25 ans de servitude pénale et d'une amende de 50 000 francs burundais à 200 000 francs burundais, lorsqu'il est commis sur un mineur de 15 à 18 ans, a décidé 15 ans de servitude pénale et 50 000 francs burundais d'amende contre le prévenu, s'étant rendu coupable de viol sur une fille de moins de 18 ans. Le coupable doit en outre verser à la survivante une indemnité de 500 000 francs burundais. Au niveau de la direction provinciale du développement familial et social qui suit de près ce dossier, l'on estime que le fait que la survivante était une bonne du coupable, une situation aggravante selon ses défenseurs de droits humains, n'a pas été prise en compte. Cette direction dit qu'en concertation avec l'avocat de la partie civile, l'on va analyser la suite à réserver à ce dossier. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Et plus de 20 hectares de différentes cultures ont été endommagés par des pluies diluviennes mêlées de grêle tombées ce dimanche après-midi sur la colline Renga de la commune Marangara. C'est en province Ngozi. L'information est fournie par Goret Nshimirimana, administrateur de cette commune, qui se joint à sa population victime de ces intempéries pour demander une aide en vivres. Apollinaire Mozagara. Comme l'indique la population victime et même l'administrateur de la commune Marangara, cette pluie a endommagé plus de 20 hectares, principalement à la colline Mseng. Là, ce sont des champs de haricots, maïs, arachides, manioc et autres qui ont été sérieusement détruits. Selon Goret Nshimirimana, parmi les dégâts, il figure des haricots prêts à être récoltés, dont les gousses ont été détruites par la grêle. et emportée par l'eau de Louis Selm, administrateur de cette commune, parle d'environ 100 ménages plus touchés par ces précipitations, surtout sur cette sous-colline. La population et cette autorité communale demandent l'intervention des bienfaiteurs en vue de sauver cette population actuellement en détresse. Pareilles précipitations sont tombées la semaine dernière en zone Tchindoni de la même commune Marangara et a occasionné les mêmes dégâts d'après toujours l'administrateur de la commune de Marangara. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganil. Avant de nous quitter, Jean-Marie Le Pen, figure historique de l'extrême droite française, est mort à l'âge de 96 ans. Il est décédé à Garches, en région parisienne, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines, a fait savoir sa famille à l'AFP ce mardi 7 janvier 2025. Un communiqué de sa famille a indiqué qu'il était entouré des siens et avait été rappelé à Dieu vers midi. Il y a 10 ans jour pour jour, le 7 janvier 2015, la rédaction du journal satirique français Charlie Hebdo était la cible d'un attentat perpétré par deux terroristes, deux frères, Chérif et Saïd Kouachi. 10 personnes, dont 8 membres de la rédaction, ont été tuées sur place. Charlie Hebdo a sorti en parallèle un numéro spécial de 32 pages. En une, il se dit increvable et avec le dessin d'un lecteur jovial assis sur un fusil d'assaut, lisant ce journal historique. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.